Parole de comptoir sur Fadjet, Lise Timon. Bonjour à tous, bienvenue dans Parole de comptoir. Ici, on discute autour d'un sujet sociétal avec des intervenantes autour de trois questions. Une question philosophique, sociologique et juridique. Aujourd'hui, le thème, c'est les politiques locales par rapport aux politiques nationales. Nous accueillons Emma Klipfel, je te laisse te présenter. Bonjour, merci pour l'invitation Lise. Je m'appelle Emma Klipfel, j'ai 23 ans, j'ai suivi une formation juridique spécialisée en droit public et plus précisément en droit de la santé. Je suis investie dans un parti politique depuis le mois de juin 2024. J'avais toujours été intéressée par la politique, que ce soit au niveau national ou au niveau local, et le résultat des élections européennes m'ont poussée à m'investir davantage. Et donc tu es plus impliquée au niveau local par choix ou... Pour l'instant, davantage au niveau local, parce que les élections auxquelles j'ai pu prendre part étaient plus d'un niveau local, mais dès qu'on aura des élections d'un niveau national, je serai investie au national. Alors, nous accueillons également Pauline Kayser. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Pauline Kayser, j'ai 27 ans. J'ai un master en droit spécialisé dans les collectivités territoriales, un master aussi en sciences politiques spécialisé dans les collectivités territoriales. Et je travaille en tant que chargée de mission auprès d'un groupe politique dans une collectivité territoriale. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes collectivités territoriales qui existent ? Bien sûr. S'il te plaît. Alors déjà, qu'est-ce qu'une collectivité territoriale ? Ça va être la petite définition juridique. C'est une personne morale de droit public qui exerce des compétences administratives et politiques à l'échelon local. On trouve différents types de collectivités territoriales. Donc, nous avons les communes, les intercommunalités, donc comité de communes, comité d'agglomération, comité urbaine, métropole. Nous avons aussi les départements et les régions. Chacune des collectivités a des compétences spécifiques, j'y reviendrai plus tard. Et ces collectivités, elles ont la spécificité d'être autonomes. Autonomes dans leur budget, dans leur gestion et dans leur prise de décision. De toute façon, nous allons en discuter à l'instant avec la question philosophique. La question philosophique, c'est la politique locale est-elle un relais ou un contre-pourvoir à la politique nationale ? Donc, autour de cette question, nous allons discuter de leur réelle autonomie, que ce soit le parti politique au niveau local face à l'instance nationale ou également de la collectivité territoriale par rapport à l'État. Donc Emma, toi, est-ce que ton antenne, on va dire locale, est-elle réellement indépendante ou du moins autonome par rapport au parti national ? Est-ce que vraiment vous êtes libre dans les décisions ou est-ce que vous devez suivre une ligne directrice ? Bah, pour le coup, je vais reprendre exactement le terme que tu as utilisé, c'est une vraie ligne directrice. On l'a du national, c'est vraiment un écoulement en fait depuis le national. Le national va prendre une décision, va choisir une politique qu'on va devoir suivre. Et nous, après, au niveau local, on va essayer d'appliquer, ou en tout cas de faire appliquer cette politique-là. Après, voilà, c'est une ligne directrice parce qu'on ne va pas forcément pouvoir l'appliquer au pied de la lettre. On va devoir un petit peu s'adapter à nos territoires et à nos problématiques. Donc parfois, il y a des politiques nationales qu'on ne va pas du tout appliquer parce qu'elles ne nous concernent pas. Et il y en a certaines qui vont nous concerner et pas d'autres. Donc il y a une autonomie dans le sens où il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on adapte la manière d'appliquer les choses. Mais oui, il y a quand même une ligne directrice du national. Et est-ce que vous êtes vraiment... est-ce que vous êtes décisionnaire des formes de militantisme, par exemple, que vous voulez mettre en place sur ce territoire-là pour tel élu, qui, par exemple, des fois peut être en contradiction avec une politique choisie à l'échelle nationale de votre parti. On ne sera jamais en contradiction parce que il faut forcément qu'on fasse valider certaines décisions. Mais par exemple, pour un choix d'investiture, là, on sera libre parce que sur une élection nationale, à un impact national, on ne sera pas totalement libre. Mais sur, par exemple, une élection municipale, le national va nous laisser totalement le champ libre sur qui on souhaite présenter, qui on souhaite investir. Ils vont valider la décision finale. Mais là, sur les élections municipales qui arrivent en 2026... Si, imaginons, je souhaite me présenter à Nancy, si le national est d'accord, ils vont me dire « bah ok, vas-y, pas de souci », parce qu'on a un parti qui préfère avoir des élus qui connaissent leur territoire, leur terrain, plutôt que quelqu'un qui va, comme on dit, être parachuté, ne pas connaître le terrain, ne pas connaître la population, ne pas connaître les problématiques. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans mon parti, c'est que on fait vraiment attention aux problématiques du territoire pour pouvoir s'adapter et on a envie d'avoir des élus qui se sentent vraiment concernés. D'accord. Pauline, toi, en tant que collaboratrice d'élus au sein d'une collectivité territoriale, est-ce que tu sens que vous êtes vraiment indépendante vis-à-vis de l'État dans vos attributions? Déjà, peut-être définir les différentes attributions en fonction des collectivités de manière générale. Alors, les collectivités, donc chaque échelon territorial a un peu ses spécificités, ses domaines de compétences, notamment la commune, où ça va par exemple être la maîtrise du sol, les écoles élémentaires, la charge des écoles primaires, des écoles maternelles. Vous avez l'assainissement, la gestion des déchets, tout ce qui entretient des cimetières. Ça, c'est vraiment pour la commune. Pour le département, ça va être plus l'action sociale. Donc, tout ce qui est allocation pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées. Vous avez aussi tout ce qui est collège. Et le lycée, la région, ça va être les lycées, les transports, la formation professionnelle. Donc, chaque échelon territorial a des compétences bien spécifiques. À côté de cela, ils ont aussi des compétences facultatives qu'ils peuvent prendre en compte. Par exemple, le département de la Moselle agit énormément dans le sport, ce qui n'est pas une compétence prédéfinie. Et à côté de tout cela, vous avez encore les compétences partagées. Par exemple, le tourisme. Le tourisme est une compétence que les communes, les départements et les régions se partagent. D'accord. Et est-ce qu'il y a quand même une réelle autonomie des collectivités dans l'exercice de leurs différentes attributions par rapport à l'État ? Oui, elles sont autonomes, donc j'y reviendrai plus tard, mais elles votent leur budget et dans leur domaine de compétences, elles sont tout à fait libres de prendre leurs décisions. On va avoir un contrôle de légalité pour voir effectivement que les décisions qu'elles prennent, elles sont légales, elles respectent la loi, mais on va pas avoir ce qu'on appelle un contrôle d'opportunité, c'est-à-dire que l'État ne va pas dire « Ah, t'aurais dû faire ça ou ça ». Ça, c'est non. Et est-ce que des fois, c'est à l'encontre d'une politique nationale ou pas ? Ou c'est rare quand même qu'une politique à l'échelle locale soit prise à l'encontre d'une politique nationale? Souvent, c'est dans le respect des politiques nationales, parce que les collectivités travaillent énormément avec l'État, notamment les préfets, en collaboration. D'accord. Alors, on va parler maintenant quand même, même si vous en avez déjà un peu parlé, du contrôle. Est-ce qu'il y a quand même un contrôle des instances nationales, que ce soit le parti politique sur les antennes locales, tout ce qui va être, comme on a dit, les décisions, le budget, les élus à mettre en place ou tout ça. Donc ça, Emma, tu nous en as déjà un peu parlé. Mais est-ce que dans la praticité, vous le vivez vraiment quand tu milites ou quand tu dois amener quelqu'un à une candidature ? Sur le terrain, pour le coup, nous, en tant que militants, on va vraiment suivre d'une ce que notre antenne locale va nous dire et le national aussi. Après, un contrôle, j'irai peut-être pas jusqu'au contrôle, il y a un suivi, il y a des remontées de terrain qui sont faites toutes les semaines et il y a un vrai suivi sur ce qui se passe sur le terrain, sur les problématiques qui sont remontées. Si par exemple, il y a des différences entre les territoires, par exemple, si la Moselle a reçu certaines informations que la Meurthe-et-Moselle n'a pas, si la Moselle a des problématiques que la Meurthe-et-Moselle n'a pas, là il y a un vrai suivi, il y a des vraies décisions qui sont prises au niveau du Conseil national du parti pour que tous les territoires soient dotés de la même manière. Et est-ce qu'il y a quand même une validation de certaines actions, on va dire, que vous souhaitez mettre en place par exemple à l'échelle locale qui nécessite une validation de l'échelle, je sais pas s'il y a une échelle départementale et ensuite régionale et ensuite nationale? Non, bah alors pas dans la vie de tous les jours. Si par exemple ce week-end on décide d'aller tracter en vieille ville ou je ne sais où, c'est notre propre décision. Après c'est sûr que si on tracte sur des idées totalement contraires à celles du parti, là ça va poser problème. Mais sur le principe, non, on est libre de mettre en place les actions qu'on a envie. Et après nous on fait remonter au national en leur disant cette semaine-là on a fait ça, ce week-end-là on a fait ça, et eux peuvent nous donner des conseils pour améliorer les choses ou pour faire d'autres choses. Donc c'est un vrai suivi, c'est une vraie aide. Et après oui, c'est sûr qu'en période d'élection on est un petit peu plus, le national est un petit peu plus attentif, forcément, à ce qu'on fait, mais parce que voilà, c'est les calendriers des élections sont faits comme ça, donc il faut un petit peu plus être suivi. Et est-ce que au sein de ton parti il y a une hiérarchie de l'organisation, par exemple, donc c'est pas un contrôle, mais c'est par exemple un suivi à l'échelle municipale, ensuite départemental, etc. Alors nous, il y a le Conseil national, donc tout en haut. Mais qui n'est pas exclusivement parisien. Pour le coup, le QG est à Paris, ça, bien évidemment. Mais le Conseil national est formé d'adhérents et de militants de tous les territoires possibles de la France pour pouvoir être très représentatif, justement, et que tout puisse remonter et que tout puisse après redescendre quand des décisions sont prises au national. Et l'échelon du dessous, c'est les assemblées départementales. D'accord. Et il y a un bon ascenseur entre tout ça? Oui, pour le coup, la communication est très bonne et y a un président ou une présidente d'assemblée départementale qui après organise ses bureaux départementaux quand il le souhaite et qui permet du coup après de faire un état des lieux, de faire un bilan de ce qui a été fait, de ce qui va être fait. Donc non, la communication est plutôt bonne. Oui, c'est essentiel de toute façon. Et toi, Pauline, est-ce qu'il y a donc un contrôle, comme on disait, de l'État, ou du moins il se manifeste comment, comme tu disais, contrôle de l'égalité? Est-ce que quand même il y a un contrôle de l'État vis-à-vis des décisions prises par les collectivités, de comment elles gèrent le budget? Est-ce qu'on peut dire contrôle de l'État ou c'est plutôt un contrôle de l'égalité? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Alors, je pense que c'est nécessaire de rappeler la différence entre décentralisation et déconcentration. Allez, c'est parti. Définition juridique. Dans cette notion de décentralisation, donc là où les collectivités appartiennent, ce sont des organes décentralisés. Il y a vraiment l'idée de dessaisissement du pouvoir administratif de l'État à d'autres organes, donc aux collectivités territoriales. Donc dans ce dessaisissement, l'État en fait transfère son pouvoir aux collectivités et donc elles sont autonomes dans leur gestion de leur budget, de leur prise de décision. Elles ont une administration qui leur sont propres et il y a vraiment juste un contrôle de l'égalité. On va voter des décisions, ça va passer au contrôle de l'égalité ou des marchés publics, juste vérifier qu'on respecte les lois, ce qui est prévu dans les textes. C'est tout. Uniquement, vraiment pas de contrôle d'opportunité. Ensuite, la déconcentration, au contraire, c'est une délégation. En fait, on va simplement déléguer le pouvoir au niveau local. Tout ce qui est préfecture, etc. C'est donc avec un contrôle de l'État. L'État va faire un contrôle d'opportunité. Par exemple, vous avez le ministère de la Culture. Au niveau régional, vous avez ce qu'on appelle les DRAC. Donc, c'est la direction régionale aux affaires culturelles. Elles vont prendre des décisions. Ces décisions, elles peuvent être retoquées par le ministère de la Culture. Pareil pour les préfectures, c'est donc ça émane du ministère de l'Intérieur. Les préfets peuvent prendre des décisions et le ministère de l'Intérieur dire non, je suis pas d'accord avec ça. Voilà, c'est vraiment la différence entre déconcentration et décentralisation. Et nous, en France, c'est là où c'est complexe, on est dans un système déconcentré et décentralisé. Et est-ce qu'il y a une interférence entre les systèmes déconcentrés et décentralisés? Non, parce que... C'est vraiment distinct. C'est vraiment distinct. Bon, après, c'est très technique, donc... Allez, on rentre dans les détails. Non, on va pas rentrer dans les détails. C'est trop long. C'est compliqué. Au niveau, par exemple, du préfet, donc vous avez le préfet du département, mais il n'est pas à confondre avec le président du département qui, lui, va gérer le conseil départemental. D'accord. Mais dans la vie pratique, il y a forcément des échanges pour la politique à mettre en œuvre sur le territoire. Imagine. Ah oui, c'est une collaboration de tous les instants. D'accord. Alors maintenant, on va parler du budget pour en finir avec cette question philosophique. Est-ce que, par exemple, toi, Emma, au sein de ton parti politique, le budget est voté à l'échelle nationale ou à l'échelle locale? Est-ce que chacun a son propre budget? Est-ce que vous êtes libre? Les partis politiques, ils fonctionnent beaucoup sur les dons. Donc ça va dépendre du parti finalement, de ce que le parti va recevoir. Après il y aura aussi toute la question des remboursements des frais de campagne, mais là c'est plus la même chose. Ouais. Il y a une dotation de la part du parti. Le parti va effectivement donner de l'argent, on va le dire comme ça, aux assemblées départementales. Parce qu'effectivement, c'est le parti qui va tout recevoir et après, le parti va redonner de manière assez égalitaire. Pour le coup, il n'y a pas de... D'accord. Mais donc, le budget est quand même centralisé à l'antenne, l'instance principale. Quand on adhère au parti, on adhère au parti national, on n'adhère pas à l'Assemblée départementale. Donc c'est d'accord. vraiment tout ce qu'on va payer, enfin tout ce qu'on va payer, on ne paye pas non plus des milliers des cents. Donc voilà, mais tout effectivement, on adhère au parti national. Et c'est comme ça pour chaque parti, c'est une loi universelle ou chaque parti a son propre mode de fonctionnement? Ça. Alors je ne peux parler que pour mon parti pour le coup et j'ose espérer que c'est une loi universelle. D'accord. Et Pauline, le budget des collectivités, ça se passe comment? Le budget des collectivités territoriales, il a déjà la spécificité par rapport au budget de l'État d'être équilibré en dépenses et en recettes. C'est-à-dire que quand une collectivité va voter son budget, elle sera jamais déficitaire. Voilà, ça c'est important de le préciser. Un budget, ça se vote souvent en début d'année, donc pareil, il y a des lois à respecter. Ce qu'on appelle, c'est voter donc, par exemple pour... la commune, le conseil municipal, donc l'ensemble des élus, vont se rassembler en assemblée plénière et vont voter le budget. Donc on appelle ça le budget primitif, qui va donc constituer le budget tout au long de l'année. Si au cours de l'année, différentes choses font qu'il faut changer le budget, on va avoir ce qu'on appelle des décisions modificatrices. Voilà comment ça fonctionne. Le budget, les principales recettes le budget donc, est composé de différentes recettes. Les recettes émanent des impôts. Vous avez aussi des dotations de l'État et vous avez des dispositifs de péréquation, donc de redistribution de l'argent entre collectivités territoriales. D'accord, merci pour ces informations. Alors maintenant, on passe à la question sociologique. La question générale, c'est le citoyen s'identifie plus à une politique locale ou nationale ? Donc plus spécifiquement, le citoyen est plus touché par les instances locales représentées par un élu, donc par exemple surtout aux élections municipales, ou alors par un parti politique national. Donc là je vous interroge toutes les deux parce que moi personnellement, aux élections municipales, je ne connais souvent pas les candidats ou ce qu'ils représentent, tout ça. Ça va vraiment être pour un parti politique que je vote. Alors Emma, toi en tant que militante, quand c'est à l'échelle vraiment municipale, tu représentes plus un élu ou un parti politique ? En principe, je suis censée militer pour le candidat de mon parti. Après, à l'échelle locale, il arrive que, du fait des partenariats, on ne milite pas forcément pour un élu de son parti et on milite parfois pour un élu d'un partenaire face auquel le parti ne va pas vouloir forcément mettre quelqu'un en face pour justement conserver ce partenaire et avoir de bonnes relations de travail pour l'avenir. Pour le coup, ça peut être l'un et l'autre. Ça va vraiment dépendre de l'implantation des candidats. Si je peux pas vendre la mèche pour les prochaines élections, mais si un candidat qui est très implanté sur une municipalité souhaite se représenter et a plus de chances qu'un candidat de notre parti avec lequel on a des liens, on ne mettra personne en face et on soutiendra ce candidat avec lequel on a des liens. D'accord. Et d'un point de vue plus militantisme, tu sens que les personnes, quand tu vas militer, ils se sentent plus proches de la politique locale ou politique nationale ? Est-ce qu'ils vont plus te parler en mode « Ah, il faut mettre ça en œuvre à l'échelle locale, nationale ?» Par ton expérience ? Ça va dépendre de l'élection. Pour donner un exemple, quand j'ai pris part aux élections législatives en juin dernier, on a pu se rendre compte, quand on tractait dans la ville, que certaines personnes, on leur parlait parti politique, ils ne voulaient pas en entendre parler. Mmh. En revanche, on leur parlait de la personne qui se présentait, et là, ils étaient vraiment hyper réceptifs. A contrario, il y avait des gens, on leur parlait de la personne, ils disaient « Oh, ça, je m'en moque, peu importe qui c'est quel parti ?» Donc ça va vraiment dépendre des gens. Après, on peut voir qu'en globalité, c'était un sondage réalisé par l'IFOP il y a peut-être 6 mois, je ne sais plus exactement. Il y a un tiers des Français qui ne connaissent pas l'étiquette de leur mère. Oui. Donc on peut se rendre compte quand même que c'est assez important et qu'il y a quand même un tiers des Français qui vont voter pour la personne et pas pour le parti. Donc, oui. C'est sûr que si tu croises ton maire tous les matins qui dépose ses enfants à l'école, tu te dis « Ah, c'est un mec normal, il doit s'intéresser à la ville, il doit s'intéresser à nos problématiques. » Donc, tu as peut-être un peu plus tendance à voter pour lui que pour le mec que tu connais pas du tout, qui débarque de nulle part. Oui, c'est sûr. Et qui va te parler de la France en entier, alors que la question, ça va être la municipalité. Oui, c'est sûr. Et tu sens quand même que les personnes, pour, quand tu vas militer ou tracter, tu sens que les personnes sont intéressées par les politiques locales, de manière générale ? Dernièrement, vu que le sujet, c'était beaucoup les politiques nationales, qu'il y a eu la question du budget, qu'il y a eu toutes ces questions vraiment nationales, la retraite, la fin de vie, etc., qui concernent vraiment toute la population, les gens étaient un peu plus concernés par la politique nationale. En revanche, je pense que dans quelques temps, les gens seront un peu plus focalisés, en tout cas, sur leur ville, parce que finalement, c'est les élections municipales qui vont arriver et qu'on va davantage leur parler de leur ville et de leurs problématiques. Mais je pense que les médias, ils sont pour beaucoup aussi, parce que quand l'Est républicain, par exemple, parle des politiques nationales, de ce qui se passe à l'Assemblée, bah forcément, la population s'intéresse à ça. Oui, et s'ils font des articles sur les candidats aux prochaines municipales, ou la problématique du tram, ou le miroir d'eau, Cour-Léopold, là, les gens vont plus s'intéresser à ce qui se passe dans leur ville. Et bon, petite question annexe, mais les militants regardent quand même encore le journal d'un point de vue politique, le journal local? Oui. Oui, oui. D'accord. Et toi, Pauline, tu as des choses à dire à ce sujet ? Je pense que ça dépend des élections. C'est effectivement, les élections municipales, c'est pour... on élit un maire et souvent, le maire, c'est vu comme le politique vraiment de proximité. Comme l'a dit Emma, on le croise, on est amené à le croiser souvent, que ce soit dans les fêtes de quartier, dans les manifestations de tous les jours. Donc, il y a ce sentiment de proximité qui fait qu'on peut avoir envie de voter pour quelqu'un qu'on connaît, mais pas forcément pour le parti politique. Après, ça dépend si ça va être plus départemental ou régional, ça va être plus complexe. Certains vont être des élus locaux, des élus municipaux, donc on va dire bah, « on connaît cette personne, donc on va voter pour elle ». Certains ne connaissent pas, ils votent, ils ne savent pas ce à quoi correspond le département, la région, donc ça va être plus le parti politique. Ça dépend vraiment de l'élection, en fait. Et est-ce que tu peux nous dire brièvement comment se passent les élections à l'échelle municipale, départementale et régionale ? Les élections. Pour les élections municipales, vous élisez une liste. Donc, en fonction des résultats, donc, je sais pas, tel parti, le parti X va faire 60%. Il y aura 60% de sa liste qui seront élus, plus un quota, mais c'est juridiquement compliqué, oui, donc je vous épargne ça. Par exemple, pour les élections départementales, vous allez élire vos élus par canton. Donc ça sera une fille et un garçon avec des suppléants. Ensuite, pour les élections régionales, c'est aussi une liste. Donc, d'accord. Voilà. Et donc juste pour les élections départementales, c'est une femme, un homme. Loi sur la parité. Oui, mais pareil sur les élections municipales et régionales, sur la liste, vous avez toujours une fille, un garçon. Ça, c'est dans toutes les élections. Oui. Donc, ça sera la proportionnelle. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, ça dépend après si c'est plus de 1000 habitants ou pas. Mais voilà. Oui, on va rester général. ensuite, la deuxième sous-question, c'est est-ce que, donc, que ce soit les collectivités territoriales ou les élus, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens pour mettre en œuvre leur politique par rapport aux besoins spécifiques du territoire ? Et est-ce qu'ils le font vraiment ? Pauline, vas-y. Je dirais oui, en théorie, mais ma réponse va être mitigée. Alors oui, en théorie, ils ont beaucoup de pouvoir. En pratique, les collectivités réclament plus d'autonomie financière, d'autonomie également dans leur gestion. Tout ce qui est fiscal, tout ce qui est recettes fiscales, ils disposent d'un budget, mais ils disposent d'un budget, mais en fait, ils ont peu de marge de manœuvre. Par exemple, certaines dotations vont varier. Vous avez la dotation globale de fonctionnement, elle est gelée depuis plusieurs années. Or, les coûts qui correspondent à ce domaine de compétences augmentent, donc la collectivité peut moins faire de choses. Ensuite, vous avez par exemple tout ce qui est... Vous avez des outils juridiques aussi, notamment les référendums locaux. Vous avez également l'expérimentation, la différenciation. Ce sont des outils juridiques qui peuvent prendre en compte les spécificités locales, mais qui sont très difficilement applicables. Ah oui, et c'est pas souvent mis en place, j'imagine. c'est difficilement, juridiquement, difficile à mettre en place, donc on les utilise peu. Pourtant, c'est super intéressant. Par exemple, l'expérimentation, une collectivité locale va pouvoir déroger au droit dans certaines conditions pour expérimenter un dispositif, notamment ça a été les pré-plaintes. C'est quoi les pré-plaintes en ligne, par exemple, on l'a mis en place dans certaines collectivités. Vous avez aussi le pass culture, et en fait, ça permet de voir si ça marche ou pas. Pourquoi pas de le mettre au niveau national ensuite, ou si ça marche bien la collectivité, mais on se doute que ça ne marchera pas une autre collectivité, bah voilà, de le laisser à cette collectivité. Mais c'est peu utilisé. D'accord. Et toi, Emma, est-ce que à l'échelle locale, vous essayez d'avoir des moyens bien spécifiques en fonction du territoire, par exemple, là où tu es implanté? Est-ce que vous allez plus défendre telle ou telle politique? Enfin, vraiment, axer votre politique là-dessus, sur un besoin du territoire qui est spécifique? Oui, oui, pour le coup, même s'il y a une ligne directrice de la part du Conseil national, on fait très attention à ce qui se passe sur nos territoires, et d'ailleurs... tous nos élus se rendent toujours en conseil municipal, en conseil départemental et en conseil régional parce qu'ils ont à cœur de s'intéresser à ce qui se passe sur leur territoire et de prendre les bonnes décisions. Et pour le coup, non, on est très présent au local. Et c'est vrai que c'est important pour nos élus d'être présents, de se poser les bonnes questions et de faire en sorte que les bonnes décisions soient prises pour la population. Donc après, même si nos élus ne sont pas... Enfin, parfois, on n'est pas toujours dans la majorité. Les élections font qu'on ne peut pas toujours gagner non plus. Il faut se rendre à l'évidence. Mais c'est pas pour autant que, même si on est dans l'opposition, on sera quand même là. On va quand même faire attention à tout ce qui se dit, à tout ce qui se vote. Et on fera en sorte que toutes les bonnes décisions, en tout cas d'après nous, soient prises. Ouais. Et quels sont les moyens que tu mets en œuvre pour essayer de vraiment défendre une politique nationale, locale, justement sur un besoin spécifique? Alors là, j'ai pas d'exemple à donner, mais si toi, t'en as un... Bon, ça va être un enjeu un peu... Enfin, pas forcément flou, mais ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais par exemple, je vais prendre le budget de la police municipale, qui n'est pas une obligation au national. C'est vraiment une porte ouverte laissée aux municipalités. Ce budget-là, chaque municipalité peut le voter comme elle le souhaite. Et en fait... Alors nous ou pas nous, enfin ça dépend des partis. Un parti qui a envie de défendre ça va se lever en conseil municipal et va dire nous on veut que le budget de la police municipale soit augmenté ou soit réduit selon ce qu'on veut. Mais on a totalement le droit en tant qu'opposition ou en tant que majorité de prendre parti et de prendre la parole pendant tous les conseils. Donc on le fait, on n'hésite pas à le faire. Et après, on est écouté, c'est bien. On n'est pas écouté, on continue à se battre et à se lever en conseil ou à militer dans la rue, à tracter, à faire des communiqués de presse dans la presse. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais de manière générale, est-ce que après une contestation, par exemple, en conseil municipal d'un opposant, est-ce qu'il y a quand même une discussion qui s'ouvre entre les conseillers ou pas? Ou on fait abstraction et on continue la politique décidée? On ne fera jamais abstraction parce que... Le but, c'est quand même qu'il y ait des décisions qui soient prises. On va être totalement honnête, l'ego du politique est quand même assez gros, donc parfois la discussion peut prendre du temps à s'enclencher. Mais il y aura toujours une discussion parce que même s'ils ont un fort ego, ils ont quand même à cœur de prendre des bonnes décisions pour leur population. Donc non, il y aura toujours une discussion, je dis pas toujours dans une très bonne entente, c'est pas toujours cordial, mais en tout cas, il y a toujours une tentative de discussion. D'accord. Tu veux rebondir, Pauline, ou... Non. Alors, on passe à une dernière petite question. Est-ce que vous, par vos expériences, que ce soit militante ou collaboratrice d'élus, vous sentez une fragmentation entre les territoires ruraux et les métropoles, qui se raccrochent à une même collectivité, à un même territoire, enfin une même délimitation géographique plutôt? Alors, moi, je ne parlerai pas de fragmentation, mais de disparité. Effectivement, ça serait hypocrite de dire qu'il n'y ait pas de différence entre les territoires ruraux et les métropoles. Mais je pense que chacun apporte quelque chose à la collectivité. Et justement, l'enjeu pour la collectivité, c'est peut-être de mettre en place des mobilités, d'investir pour éviter que ça soit une collectivité qui avance à deux vitesses, mais plutôt ensemble. Et tu sens qu'en pratique, ça se met en place, par exemple, au sein de ta propre collectivité ? Je pense que... Chaque enjeu est écouté ou... Non, ça dépend des enjeux, mais par exemple, l'exemple des circuits courts. Les circuits courts, ça peut être quelque chose qui peut favoriser cette, cette synergie, on peut dire, entre les territoires ruraux et les agglomérations, les métropoles. Voilà, les territoires ruraux, bah, on a l'agriculture, où on peut faire de l'agriculture, on peut produire ses produits frais et le revendre dans les métropoles pour que les métropoles, les communes aient accès à des produits frais, etc. Ça peut être ce genre d'exemple. Après, ça dépend de quelle collectivité de la région on est aussi. Et toi et moi, par exemple, est-ce que toi, tu milites qu'en ville ou est-ce que tu vas également dans les campagnes? Ça se passe comment, ça, par exemple? Est-ce que vous êtes bien accueillis dans les campagnes? Bah pour le coup, on est un parti, voilà, on a une assemblée départementale, donc le but, c'est qu'on soit présent sur tout le département. Je vais pas mentir en disant qu'il y a des parties du département, c'est plus compliqué d'aller. Enfin, oui. La plupart, on est sur Nancy, mais ça ne nous empêche pas d'aller un peu autour de Nancy. Et en période d'élection, on essaye vraiment d'aller dans tout le département pour soutenir les candidats. Après, être bien accueilli, bah, en fait, ça va dépendre parce qu'il y a des villes, il y a des villages où... les élus ne sont pas de notre bord politique et où parfois ça se passe très bien, il n'y a aucun souci, on est bien accueillis. Et parfois c'est un petit peu plus compliqué et les relations sont un peu plus tendues. Mais malgré tout, quand on est en période de campagne, même si le maire qui est là n'est pas un maire de notre bord politique et que nous on arrive avec notre candidat aux élections législatives, bah, il va pas avoir le choix et il est obligé de nous accueillir de manière cordiale, même si au fond il nous aime pas. Il n'a pas le choix. Oui, ça se passe quand même souvent bien. Oui, oui. Et vous êtes écoutés, vous pouvez vous exprimer. Oui, bah de toute manière, en période de campagne, ils n'ont pas le choix. Oui, c'est soit ils laissent parler tout le monde, soit ils laissent parler personne. D'accord. Alors maintenant, on va passer à la question juridique, la dernière question. Et ça va être, dans un premier temps, vous demander votre avis. Est-ce que, selon vous, que ce soit donc les parties, les antennes locales ou les collectivités territoriales, est-ce qu'elles ont suffisamment d'autonomie pour exister ? Du moins dans l'application des politiques. C'est votre avis personnel. Est-ce que le droit permet suffisamment aux collectivités ou aux partis d'exister par eux-mêmes ? Qui veut commencer par répondre ? Je peux commencer. C'est parti. Au niveau du parti, étant donné que nos actions vont un petit peu découler de la politique nationale, mais pas que. Je pense que oui, parce qu'il y a un suivi et il est nécessaire qu'il soit là. Je pense honnêtement qu'elle est suffisante au niveau du parti politique. Je vois pas ce qu'on pourrait nous laisser en plus d'autonomie finalement, parce que sur les actions de terrain, on est libre de faire ce qu'on veut. Et après, ça paraît logique que dans les idées pour lesquelles on va militer, et si on est dans ce parti-là, c'est qu'on y croit, c'est qu'on on croit en ses valeurs et qu'on a envie de les suivre. Donc, sur le principe, il y a c'est pas contraignant parce qu'on y croit et parce qu'on est convaincu. Donc, c'est assez... c'est naturel, finalement. Oui. Puis c'est aussi normal, c'est aussi un atout d'être rattaché, entre guillemets, à une étiquette nationale pour, par exemple, les personnes comme moi, qui, à l'échelle locale, me permet de choisir en fonction de mon parti politique que j'ai à l'échelle nationale. Oui, parce que malgré tout, les idées sont quand même assez communes, même si les problématiques ne sont pas les mêmes sur tous les territoires. La problématique... Enfin, l'idée nationale, elle est commune pour tout le monde. Donc... en principe, on peut voir l'idée nationale, essayer de l'appliquer à l'échelle locale et ça permet déjà de se faire une idée et de se dire « je suis plus d'accord avec tel parti ou tel autre parti ». D'accord. Et toi, Pauline ? D'un point de vue collectivité ? J'ai envie de vous dire oui, puisqu'elles existent. Après, des réformes, je pense, sont importantes. Je me souviens d'un sujet en droit des collectivités à la fac, c'était est-ce que l'échelon départemental est-il voué à disparaître ? Voilà, c'est des questions que l'on peut se poser, alors je prends absolument pas parti. On a le problème du millefeuille territorial où beaucoup de compétences, on a beaucoup de collectivités, mais personne ne sait qui fait quoi, ou difficilement. Et je pense qu'une grosse réforme, une vraie réforme, pas comme la loi 3DS, on annonçait ça comme la réforme des collectivités territoriales, qui n'a pas été une réforme. 3DS, c'est quoi ? Différenciation, déconcentration, et je sais plus. Le troisième D, là j'ai... Déconcentration, décentralisation, bon. Différenciation, je l'ai plus. Ok. Mais c'est une réforme qu'on attendait comme la réforme majeure des collectivités, qui n'a pas du tout eu l'effet escompté. Donc, à voir par la suite, mais au moins une clarification des compétences. On a maintenant deux deux échelons qui prennent vraiment le pouvoir sur les autres, je dirais, c'est l'intercommunalité et la région. Et souvent, par exemple, le département va être vu comme la collectivité qui donne que de l'argent à l'action sociale. Ouais, voilà. C'est ça. C'est vraiment essayer de mieux répartir les échelons. Mieux définir, ouais, les compétences de chacun. Avoir peut-être aussi plus de marge de manœuvre, ouais. Plus d'autonomie fiscale. Voilà. Et autre question, quels sont les moyens pour donc que ce soit une antenne politique à l'échelle locale ou alors les collectivités pour s'exprimer à l'échelle nationale, pour défendre leur politique locale ou à l'échelle nationale. Vous voyez ce que je veux dire ? Se faire entendre, en fait, à l'échelle nationale, que ce soit pour un parti politique ou une collectivité. Pour le coup, au niveau du parti politique, comme je disais tout à l'heure, on a des remontées de terrain. Mm-hmm. Donc, on peut remonter effectivement toutes les problématiques qu'on a, remonter que ce soit les choses positives ou les choses négatives. On peut vraiment tout leur dire. Et le national va derrière soit prendre une décision, s'il y a besoin de prendre une décision, soit apporter un conseil si on a besoin d'un conseil. Enfin, ils sont vraiment là, pas comme un maître ou une maîtresse d'école à vous dire « faites ci, faites ça ». Enfin voilà, c'est pas des devoirs qu'on a à faire, c'est vraiment un réel suivi. Après, pour le coup, c'est vrai que chez nous, notre national est vraiment très attentif. On essaie de faire des réunions, enfin c'est plus des réunions à ce niveau-là, c'est des forums nationaux assez régulièrement quand même pour que tous les militants et les adhérents puissent se retrouver, qu'on puisse faire un état des lieux des choses. On en a un prochainement et c'est vrai qu'on va faire un état des lieux de notre parti, de ce qui s'est passé depuis les dernières européennes, les dernières législatives. Donc on se remet beaucoup en question aussi. Et ça permet de prendre les bonnes décisions derrière et de pouvoir réagir en tout cas à ce qui se passe au niveau national et au niveau local. Parce que c'est vrai que dans certains territoires, tous les partis ne sont pas accueillis de la même manière. Ouais. Donc on voit qu'il y a certains territoires où certains partis sont bien mieux accueillis que d'autres. Et c'est normal parce que effectivement, tous les territoires n'ont pas les mêmes problématiques. Donc forcément, certains sont ouais. entre guillemets mieux accueillis parce qu'ils parlent plus de certaines thématiques que d'autres. Chaque parti a finalement un peu ses sujets de prédilection et on les ressent, on le sait totalement. Enfin, voilà, c'est comme ça maintenant. Après, non, en globalité, on est assez bien écouté et le national ne prend pas de décision sans les remontées de terrain. En tout cas, c'est pas, on n'est pas sur les entre guillemets vieux partis politiques où tout se fait à Paris. Oui. Et tout se fait à Paris, pour Paris, sans penser au territoire, aux provinces, comme on dit. Oui, c'est ça. Non, pour le coup, nous, c'est vraiment... tout remonte à Paris, mais de la part des provinces, je vais le dire comme ça, mais pour les provinces. Et pour le coup, tout n'est pas fait en mode parisien. D'accord. Et par exemple, à l'Assemblée nationale, si une loi doit être adoptée, et qui concerne, je ne sais pas, plus, ça concerne plus tel ou tel territoire, par les enjeux, est-ce que ça va être un élu qui a un mandat à l'échelle locale ou c'est un élu local, mais est-ce que ça va être quelqu'un qui représente forcément ce territoire en question ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? On essaye toujours que le rapporteur à l'Assemblée nationale soit quand même quelqu'un qui soit concerné. En sachant que généralement, je prends les députés en l'occurrence, parce qu'on parle de l'Assemblée nationale, mais si on prend un député qui est une circonscription en Lozère, ou dans la Creuse, hein, au choix, peu importe, voilà, c'est ça. Ces députés-là, ils ont leurs thématiques, et ils ont certaines thématiques. Nous, nos députés, ils ont... Enfin, en Meurthe-et-Moselle, il y a des députés qui étaient... je vais prendre l'exemple de Philippe Guimard, qui était député lors de la dernière... lors du dernier mandat. Pour le coup, lui, il avait son sujet. On n'était pas sur un sujet d'agriculture ou autre, enfin... Après, chacun a ses thématiques. En l'occurrence, y en a qui vont être portés sur la commission des lois, il y en a qui vont être affaires étrangères. Enfin, voilà, ça dépend vraiment du député, ça dépend de ses thématiques et de son territoire. Ok. Et toi, Pauline, est-ce que tu penses que les collectivités territoriales arrivent à se faire entendre auprès de l'État ? Elles essayent, mais bon. Non, pour se faire entendre, elles ont différentes possibilités. Par exemple, pour les maires, vous avez l'Association des maires de France. Vous avez aussi l'Association des maires ruraux de France. Vous avez pour les départements, l'ADF, donc l'Association des départements de France. Donc ça réunit tous les, par exemple, les présidents de département, les maires, pour, ils s'unissent pour essayer de faire entendre leur voix. Après, par exemple, souvent dans les assemblées délibérantes, donc par exemple, vous avez à la région, on vote beaucoup de motions pour essayer de montrer leur avis en disant, bah là, on n'est pas d'accord sur tel point, vous voulez nous supprimer ça, voilà. C'est plus, pour moi, théorique, on va dire, c'est pas le bon terme, mais qu'il n'y a pas vraiment d'image de fond. Après, les élus locaux sont aussi en partenariat, ils travaillent aussi avec les élus nationaux. D'accord. Et dernière question. Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant de mettre en place des droits locaux ? Comme il y a un certain droit à moindre mesure en Alsace-Moselle, un droit local, est-ce que vous pensez que ça serait intéressant d'instaurer un droit local, mais vraiment un droit, hein, que chaque citoyen peut se prévaloir pour, en fonction des besoins de la région ou d'un territoire ? Déjà, bah, pour revenir sur le droit, bah, par exemple, Alsace-Moselle, ça vient de l'histoire de l'Alsace-Moselle. Donc je pense que ça ne serait pas pertinent de créer un droit pour chaque collectivité ou chaque région. Et surtout, on a un grand principe, on a des grands principes, parce que les collectivités sont libres, oui, mais elles doivent respecter le principe d'indivisibilité, d'unité et d'égalité. Donc pour moi, ça contreviendrait à ce principe. Ouais. Et toi, Emma ? Bah, je suis assez d'accord et j'allais justement utiliser le liberté, égalité, fraternité. Ouais. Ça vaut entre les citoyens, mais ça vaut aussi entre les collectivités. Alors, je suis d'accord, il y a un droit local en Alsace-Moselle et il vient de leur histoire et il n'y a aucune problématique avec ça. Enfin, c'est fait comme ça parce que l'Alsace et la Moselle étaient annexées, c'est revenu à la France, bah... Oui, il y avait un autre droit qui était mis en place, bah, on s'adapte et les Mosellans et les Alsaciens avaient ce droit-là, donc on leur laisse, ça paraît logique. Je pense que je suis pas sûre qu'un droit local, ce soit vraiment nécessaire, parce que finalement, tous les sujets doivent s'appliquer à tous les citoyens de la même manière. Donc je vais prendre l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, tu passes d'un État à un autre et l'IVG est interdit ou autorisé. Et ça, Bon, en plus, ça va bientôt être le sujet. Le 8 mars arrive à grands pas, mais moi, si on me dit demain, tu passes la frontière, et je mets des très gros guillemets sur le terme frontière, entre deux départements, et qu'on vient te dire, si tu veux aller faire une IVG en Meurthe-et-Moselle, tu peux, mais si tu vas dans la Meuse, c'est non. Je suis désolée, mais non. Et surtout qu'en plus, c'est vraiment des sujets très nationaux, que les politiques s'appliquent différemment. Oui, parce que chaque territoire a ses problématiques. En revanche, qu'on construise des politiques différentes, je pense que ça serait aller trop loin et ce serait trop compliqué. Surtout que notre Assemblée nationale fonctionne d'une manière qui fait que l'ensemble des représentants de la population votent ensemble pour une politique nationale. Donc ça voudrait dire que si on fait ça, on se retrouve... Bah déjà, il faut déjà savoir comment on découpe ça, si c'est au niveau... agglomération, si c'est au niveau départemental, au niveau régional. On voit que la construction des grandes régions, ça a posé problème parce que certaines anciennes régions ne voulaient pas se rejoindre. Donc, si maintenant, on se dit qu'il faut faire une assemblée entre guillemets nationale de la région Grand Est, je pense que notre région est l'exemple type pour montrer que ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Et ça pourrait créer encore plus, pour le coup, de fragmentation entre les différentes régions. Oui, je pense. Après, pas de droit local, mais pourquoi pas un système de différenciation et prendre en compte l'identité forte, comme ça a été le cas pour l'Alsace avec la création de la Communauté européenne d'Alsace, ou même en Corse, il me semble, alors ça c'est un peu loin dans mes souvenirs de cours, mais qu'on peut apprendre la langue corse. Voilà, c'est des petites spécificités locales. Ou même il y a la monnaie locale maintenant aussi, non ? À Nancy, je crois qu'il y a la monnaie locale. On peut payer avec la monnaie locale. Oui, oui. Ouais, ça, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font. Non, mais... ma mère le fait. Bon, en tout cas, merci les filles. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou c'est bon ? Non, c'est tout. Bon, en tout cas, c'était très constructif. Et je vous dis à bientôt pour Parole de comptoir.